Vous écoutez la Minute Autoproduction Gamme Vert. Vous regardez la récolte de votre voisin avec envie? Ce ne sera bientôt plus le cas. En associant les bons légumes dans votre potager, comme les épinards et le chou, vous améliorez leur développement. Avec ça, vous n'aurez Dieu que pour vos légumes. Et en plus des conseils Gamme Vert, jusqu'au 16 septembre sur présentation de la carte de fidélité, profitez de 10 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat. 10 euros offerts. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. C'est un site archéologique hors norme qui caractérise à lui seul un pan entier de notre histoire ancienne et dont les objets, dans un état de conservation exceptionnel, ont été depuis dispersés dans tous les grands musées du monde. En Europe, son importance est si considérable qu'il est devenu non pas une référence, mais le site éponyme d'une époque, le Second Âge du Fer, en un mot l'époque gauloise, qui couvre les années 450 à 50 avant notre ère. Ce site qui incarne donc à lui seul la culture celtique et pour certains notre propre identité, les Gaulois, n'est en rien français. D'ailleurs, mon invité a œuvré en Suisse et c'est bien au pays des Helvètes, sur les rives du lac de Neuchâtel, que ce fameux site archéologique est toujours l'objet de fouilles et de recherches. Pour évoquer ce Second Âge du Fer, ce que l'on nomme la culture laténienne, issue de ce site de l'Athènes, Guillaume Reich, bonjour. Bonjour Vincent Charpentier. Actuellement chargé de mission au Centre européen de Bibracte, vous avez soutenu votre thèse en 2018, thèse qui portait sur les traces de mutilation des armes du site de l'Athènes. Votre objectif était alors d'évaluer l'art de la guerre chez les Celtes. Au passage, je signale que vous avez été lauréat de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, le ministère de la Défense, preuve que l'armée s'intéresse toujours à la guerre des Gaules et aux Gaulois. Guillaume Reich, le site de l'Athènes, c'est avant tout un de ces gisements archéologiques totalement submergés, comme on en connaît dans le Jura français ou en Suisse? Submergé jusqu'à une certaine époque, on va dire, puisque c'est principalement justement la correction des eaux du Jura dans les années 50-60 du 19e siècle qui nous a permis de découvrir ce site de l'Athènes. Donc il faut savoir qu'on est dans une région où les eaux étaient relativement mouvementées, que son niveau a beaucoup fluctué depuis l'époque du néolithique. Et au milieu des années 1850, le monde de la préhistoire, particulièrement en Suisse, était en proie à ce qu'on a appelé une véritable fièvre lacustre. Fièvre lacustre, en fait, qui consistait à repérer un certain nombre de sites qu'on dépouillait finalement un peu à la recherche d'antiquités. Sites qui se caractérisaient principalement par du mobilier néolithique ou de l'âge du bronze. Et donc, ce site de l'Athènes a une petite particularité en comparaison des autres, c'est que lui date de l'âge du fer. Alors, petite précision pour les auditrices et les auditeurs, l'Athènes ne s'écrit pas comme la cité hellénistique et l'actuelle capitale de la Grèce, mais Thènes, T accent aigu, N-E. Comment se présente ce site aujourd'hui? Y a pas été un camping dessus? Effectivement, un camping est implanté dessus. Alors, on est dans un contexte un peu particulier. On se trouve à l'exutoire septentrional du lac de Neuchâtel, donc au nord du lac, à la jonction entre un cours d'eau qui s'appelle la Thielle et le lac de Neuchâtel. Donc ce sont des eaux très claires, peu profondes. L'Athènes en patois neuchâtelois veut dire peu profond. Actuellement, on n'y verra pas grand-chose. Tout simplement car les vestiges qu'on pourrait qualifier d'architecturaux qui ont été identifiés étaient principalement en matière organique, des pieux en bois essentiellement. Et naturellement, cette matière a tendance à se désagréger dès qu'elle est retirée de son atmosphère anaérobie, en fait, donc une privation d'oxygène qui évite la corrosion, finalement la détérioration du bois. Donc ces pieux ont pour un grand nombre été prélevés, d'autres ont simplement été délaissés. Donc finalement, le site en lui-même on ne pourra pas franchement le voir. Mais c'est un beau paysage, j'imagine. J'ai lu que des ponts gaulois y étaient visibles. Nous connaissons bien sûr tous des ponts romains, mais gaulois, moi je n'en ai jamais vu. C'est rarissime. C'est rarissime, mais on en connaît un certain nombre. Alors, on en a quelques-uns en France, mais pour la région qui m'intéresse particulièrement en Suisse, donc cette région des Trois Lacs, où on se retrouve donc entre le lac de Neuchâtel, le lac de Bienne et le lac de Mora, on va retrouver un certain nombre de ponts datés de l'âge du fer, certains également prolongés à l'époque romaine, implantés notamment sur les cours d'eau de la Thielle et de la Broye. Et un certain nombre d'entre eux ont été fouillés, notamment dans les années 70. Ils sont comment, ces ponts ? Alors, ces ponts sont entièrement en bois. Certains sont plutôt frustes, d'autres témoignent manifestement de bonnes compétences, en fait, en termes de maîtrise du bois. En fait, on parle d'âge du fer, mais on pourrait aussi bien parler d'âge du bois si on avait accès à toutes ces sources qui nous font défaut. Et ils ont été, bien sûr, très bien datés par la dendrochronologie. Vous avez donc les dates ? On a bien sûr les dates. Le site de l'Athènes a une petite particularité, c'est qu'effectivement, on y a retrouvé les vestiges de deux ponts, du moins des structures qui enjambent un ancien lit de la Thielle, un pont qui a été appelé pont de Sort, daté vers 660 avant notre ère par dendrochronologie, et un autre pont à une centaine de mètres de celui-ci, qui est lui daté vers la moitié du 3e siècle avant Jésus-Christ. Guillaume Reich, remontons aux années 1850. Qui découvre le site ? La personne qui découvre le site, ce n'est pas un archéologue. À ce moment-là... Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas à l'époque, on est dans une pratique un peu différente. C'est un pêcheur qui s'appelle Hans Kopp, mandaté par un colonel, le Friedrich Schwab, antiquaire de la région, qui lui assigne comme mission de se rendre à Concise, de l'autre côté du lac de Neuchâtel. Et celui-ci, donc, prend sa petite embarcation à fond plat, se dirige vers son lieu pour lequel il a été missionné et aperçoit au débouché de la Thielle, en fait, un certain nombre d'objets, de pieux qui apparaissent dans la vase. Et là, en l'espace d'une heure, il va remonter à peu près 40 objets, dont une quinzaine d'épées et de fourreaux en fer qui feraient rêver n'importe quel archéologue à notre époque. Parce qu'ils sont conservés dans un état absolument extraordinaire. Tous les décors sont là. Ils sont dans un état quasiment neuf. Pour l'essentiel d'entre eux, la vase, en fait, a empêché la corrosion des alliages ferreux. Donc, on se retrouve avec des objets qui présentent une patine qui est proche de leur surface d'origine. Alors, notre ami colonel paie d'ailleurs salari, donc ce pêcheur, pour collecter des objets. Il ne le paie pas à la tâche pour justement ne pas avoir de faux. Il utilise une sorte de drôle de machine pour récolter les objets au fond de l'eau, parce qu'il est dans sa barque. Donc, il plonge une sorte de machine, une sorte de pince, c'est ça ? C'est ça. Alors, il est dans sa petite loquette à fond plat. Et là, en fait, il va utiliser tout simplement une gaffe et une grande pince pour venir simplement... récolter, c'est le mot, ces objets au fond de l'eau. Combien d'objets sont sortis de l'eau ? On en connaît combien aujourd'hui ? Actuellement, issus de ce site de l'Athènes ? L'inventaire est à peu près autour de 4500 objets, à ma connaissance. Et l'essentiel est bien sûr en Suisse ? L'essentiel se trouve en Suisse, mais ces collections en fait, ont fait l'objet d'énormément d'échanges dès le 19e siècle. Et on va les retrouver jusque dans des musées aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en France, au musée d'archéologie nationale. Notamment Napoléon III, en fait l'empereur, était féru des découvertes qui avaient été faites sur le site de l'Athènes. Alors c'est bien sûr, vous en parliez tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la fièvre lacustre, donc toutes ces recherches sous les eaux donc des lacs suisses. On pense alors à des villages de planches implantés sur l'eau, l'Athènes aurait pu en être un. Alors, on envisage effectivement un certain nombre de scénarios. D'abord, on pense n'avoir effectivement affaire qu'à un énième village palafitique. C'est le terme consacré pour l'époque. Donc, en gros, faut imaginer des villages sur pilotis. Alors, effectivement, c'est une hypothèse qui est proposée de prime abord. Et très rapidement, on va se rendre compte qu'on est face à quelque chose de beaucoup plus complexe à identifier. Et ça va donner lieu à un certain nombre d'interprétations depuis la découverte du site, dont certaines extrêmement farfelues. Le poste de douane, le péage, l'arsenal, le refuge, l'oppidum. À ce moment-là, on a affaire qu'au texte césarien, donc on peine un peu à définir ces termes, etc., etc. Donc, Alors si on pense à une cité lacustre, c'est aussi parce qu'on est dans une sorte de vision évolutionniste. On a des sites néolithiques sous l'eau, enfin sur l'eau, avant qu'ils ne s'effondrent. On a aussi des sites de la Jubonce. C'est donc tout à fait normal que, juste avant l'histoire, on ait des sites d'époque gauloise, du second âge du fer. Tout à fait. Au début, on peine un peu à caractériser l'Athènes comme étant un site de l'âge du fer. C'est grâce à la préscience, en fait, et aux connaissances d'Édouard de Sors, qui connaissait un système des trois âges qui avait été publié dans les années 30, 1836 plus exactement, par Christian Jurgensen Thomsen, dans le nord de l'Europe, qui remarque que les découvertes de l'Athènes se distinguent des autres antiquités lacustres. Celles-ci sont principalement en fer. Donc, il a tendance à attribuer ces découvertes à l'âge du fer, qu'on peine un peu finalement à caractériser à ce moment-là. On a du mal à savoir si un objet en fer, par exemple une épée, sera celtique, romaine, date du haut Moyen-Âge ou même de l'époque moderne, tout simplement parce qu'en fait on continue encore d'utiliser le fer et qu'on est finalement presque au 19e siècle encore dans une forme d'âge du fer. L'idée d'Édouard de Sors est absolument capitale. C'est en 1874 à Stockholm, justement, que la chronologie de l'âge du fer est totalement scellée avec deux grandes périodes. Un premier âge du fer et puis un deuxième âge du fer que l'on appellera l'Athènes, la période athénienne. En 1866, lors d'une conférence inaugurale du Congrès international de préhistoire, Édouard de Sors propose, donc à Neuchâtel, de désigner l'Athènes comme site de référence pour l'âge du fer. À ce moment-là, on n'est pas encore sur la distinction entre deux âges du fer. Au début, ça ne rencontre pas l'approbation de ses confrères, mais à la suite de longs débats, effectivement, au 7e congrès en 1874 à Stockholm, ce choix est entériné et on décide d'attribuer le premier âge du fer à une nécropole autrichienne du nom de Hallstatt et le second âge du fer au site de l'Athènes, ce qui, on le verra, n'est pas sans poser de problème puisqu'il n'est pas du tout représentatif de l'ensemble de la période. Et parlons de mots du premier âge du fer, Hallstatt, une nécropole absolument énorme, mais surtout des mines de sel dans lesquelles on découvre régulièrement des vestiges absolument extraordinaires. Tout à fait. Alors, ce qui sert vraiment de base, c'est la nécropole, mais on a le privilège à Hallstatt d'y retrouver énormément de matériaux organiques également, notamment des cuirs, des bois, des matières textiles. Donc l'idée qu'on peut se faire finalement des costumes du premier âge du fer tient en grande partie à ce qu'on va retrouver dans les mines de sel de Hallstatt. On est sur du sel gemme. Alors bien sûr, à Alésia, on ne pouvait pas faire la part des choses entre les armes gauloises et les armes romaines. Les fouilles de Napoléon III, donc, ne pouvaient pas déterminer ça. Grâce aux fouilles de l'Athènes, grâce aux recherches entreprises à l'Athènes, on va comprendre. On va le comprendre assez rapidement, puisqu'on a effectivement la possibilité de faire un référentiel typologique. Finalement, l'Athènes agit comme un étalon de référence. Donc, lors des fouilles alisiennes, effectivement, donc faut imaginer qu'on a des premiers archéologues, en fait, finalement, qui arpentent le terrain, guerre des Gaules de César à la main. Et finalement, les vestiges qui ressortent, en fait, sont bien complexes à comprendre. Jusqu'à il y a quelques décennies, finalement, on peinait encore à distinguer finalement le glaive romain de l'épée celtique, par exemple. Mais on commence à en avoir un aperçu au moment où on fait ses découvertes à l'Athènes. Et maintenant, on connaît ça par cœur. Maintenant, on connaît ça par cœur, quasiment. Guillaume Raj, aujourd'hui, nous savons que le mobilier appartient à une chronologie assez serrée. Nous ne sommes pas dans la chronologie du deuxième âge du fer, 450-50, comme je le disais. C'est beaucoup plus resserré, la chronologie du site. C'est beaucoup plus resserré. Alors, je vais le dire une fois pour l'évacuer. On est sur la période qu'on appelle l'Athènes moyenne, qui va grosso modo de 250 à 140 avant notre ère. Et le site de l'Athènes en lui-même peut être daté à l'articulation du 3e et du 2e siècle avant notre ère. C'est les fameuses grandes guerres du 3e siècle, les guerres celtiques. On est très tenté de rapprocher ça d'un certain nombre d'événements bien connus par les sources littéraires, notamment l'épopée de Hannibal. On est sur le passage d'Hannibal, bien sûr. On est sur alors, je ne sais pas si l'Athènes est vraiment le passage d'Hannibal, mais c'est tentant. France Culture, Carbone 14. Vincent Charpentier. Voyons le mobilier que vous avez étudié. La majorité des pièces appartiennent à la sphère guerrière. De quoi se compose-t-il ? Essentiellement de trois types de pièces. On parle généralement de panoplie ternaire, ce qui indique bien ce qu'on veut dire par là. Un ensemble épais fourreau avec un système de suspension. Une arme d'aste, donc une lance ou une pique, et un bouclier. On n'a pas de traces de protection de type casque ou de cotte de maille à la tenne. Et puis évidemment, on va retrouver un certain nombre d'autres vestiges qui appartiennent au registre de la guerre, donc des éléments de carnix ou des chars. Vous avez des chars, oui. On a des chars. Mais ils sont complètement démontés, enfin ce sont des bouts de chars. Il nous reste des bouts de chars, alors on a la chance d'avoir une roue complète, mais sinon ce sont effectivement des petits vestiges, notamment les parties métalliques qui ont subsisté. Alors on sait que l'art du IIIe siècle est absolument majeur. Durant cette période, l'art est absolument extraordinaire. Par exemple, les clavettes de chars sont en général extrêmement décorées. À l'Athènes, on a cet art gaulois, cet art celte si extraordinaire ? Absolument. Les fourreaux sont notamment l'objet d'un répertoire iconographique assez poussé, avec toutes ces représentations qu'on aurait envie de dire typiquement celtiques, faits de volutes, d'entrelacs, des motifs végétaux qui vont couvrir l'ensemble de la surface de ces tôles. Des sortes d'animaux mythiques aussi peut-être, non ? Alors on a quelques petites représentations avec ce qu'on interprète comme étant des dragons, ou des griffons en fait, oui. Les carnix, rarissime, élément de trompette qui faisait durant les batailles énormément de bruit, qui est une sorte de longue trompe. On en connaît bien sûr en Angleterre, en Irlande. On en a trouvé une série tout à fait exceptionnelle il n'y a pas si longtemps dans un sanctuaire à Tintignac, que vous étudiez d'ailleurs, oui. Aussi. Vous avez des éléments de carnix ? Alors on a quelques maigres éléments de carnix à l'Athènes, des oreilles, tout simplement. Le carnix, c'est, on a tendance à dire trompette. En fait, c'est un peu plus subtil que ça, si j'ai bien compris les musiciens qui m'en ont parlé. On peut convenir que c'est un aérophone. On est plutôt sur le registre du corps, puisqu'en fait, le tube va arborer cette forme conique et non pas rester circulaire tout du long. C'est un instrument, effectivement, qui est rarissime, qui servait manifestement à transmettre des ordres et peut-être à inspirer un certain effroi psychologique sur le champ de bataille. Le reste des vestiges est aussi très masculin, avec des bijoux. C'est extrêmement masculin, oui. Les bijoux également. Alors on va avoir quelques petites traces de présence féminine qui n'a finalement rien d'étonnant. Si on suit les textes anciens, on sait que les Gaulois n'hésitent pas à aller à la guerre avec femmes et enfants. On n'aurait pas trop de difficultés à interpréter en fait cette présence-là. Mais l'essentiel est masculin. Guillaume Raj, je reviens sur les enseignes. Parce que les enseignes sont aussi des pièces extrêmement rares, comme les carnix. C'est des sortes de drapeaux. Alors, ce sont des sortes de drapeaux. Alors, on fait référence à des lances qui présentent des échancrures et des ajours, que personnellement je n'interprète pas comme des enseignes, du moins pas en tant que telles. Tout simplement parce que quand on en fait des répliques, qu'on cherche à les utiliser, on se rend très vite compte que à 2 mètres, on ne les distingue pas finalement d'une masse d'autres lances qui, elles, vont être beaucoup plus classiques. Guillaume Raj, vous avez surtout étudié les armes. Votre étude permet-elle de savoir comment les Gaulois combattaient ? De reconstituer donc une part de cet art de la guerre celte ? Je pense qu'on en est aux embryons de cette redécouverte du combat gaulois. Mais effectivement, l'entreprise qui a été la mienne, en fait, s'est intéressée notamment aux traces de destruction, comme vous le disiez en introduction. Et ces traces, finalement, sont les stigmates de ces activités martiales. Donc oui, on peut commencer à reconstituer ces combats, connaître un certain nombre de coups avec l'épée, un certain nombre d'actions avec une lance, le rôle du bouclier, etc. Et ça nous permet d'imaginer un art du combat très véloce, très dynamique. Un combat très rapide aussi. C'est un combat très rapide. On est effectivement, l'essentiel des troupes sont soit des cavaliers qui peuvent démonter pour combattre ou harceler en fait une troupe adverse, soit une infanterie qui n'est ni une infanterie légère ni une infanterie lourde. On est vraiment à mi-chemin entre les deux. Et finalement, le guerrier va avoir en gros une épée qui va faire 600 grammes avec un fourreau métallique, une lance qui va faire 200 grammes avec la hampe qui va rajouter peut-être 1 kilo à tout casser, et un bouclier qui fera 4 ou 5 kilos. Donc on est sur un module très mobile. Et le tout avec des chevaux à 1,20 m au garrot, c'est-à-dire gros comme des poneys. C'est ça, de gros poneys, 1,20 m, 1,30 m au garrot, qui nous permettent effectivement de monter dessus, d'en descendre très facilement. Évidemment, les gens rompus à cet art sont impressionnants dans le domaine. Et l'épée a un système d'attache qui permet de ne pas toucher le sol, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors l'épée, en fait, elle se loge donc dans un fourreau entièrement métallique, qui est une petite merveille de la forge gauloise. Déjà pour la fabrication de la tôle, qui est déjà la vraie prouesse métallurgique. C'est un assemblage de quatre éléments plaqués sur le flanc droit du combattant, au niveau du trochanter, donc l'articulation qui va permettre de suivre les mouvements. Donc autrement dit, une fois que vous avez bien fixé ce fourreau avec un système de suspension adéquat, soit composé d'anneaux et d'une agrafe et de courroies en cuir, soit de chaînettes métalliques, en fait, vous allez vraiment pouvoir danser avec. Le fourreau va vous suivre à chacun de vos mouvements sans que l'on ne s'en mêle les jambes dedans. Alors pour reconstituer le combat, il faut peut-être dire aussi que le guerrier, je dirais l'équites pour reprendre le terme latin, ne combat pas seul, il a ses suivants, sa clientèle autour de lui, qui va l'aider à combattre, les uns avec des lances, lui avec l'épée, c'est ça ? Alors c'est du moins la lecture que j'en fais à travers les expérimentations que j'ai pu mener. Le ratio d'armes qu'on va retrouver par exemple sur le site de l'Athènes, mais également la dynamique qu'on va pouvoir observer dans le combat, va montrer que cet armement est particulièrement efficient à partir du moment où on va utiliser par exemple une lance, donc un lancier, va venir chercher à déshabiller finalement un adversaire, tandis que la personne qui va utiliser l'épée va venir saisir l'occasion du coup et asséner ce coup au moment opportun. Le principe du combat et de la guerre dans le monde occidental était régi par des modèles hellénistiques, des modèles grecs. Existe-t-il pour autant un héritage celtique encore peu perçu jusqu'à présent ? J'en suis persuadé, il a été longtemps sous-évalué. Évidemment, on a toujours regardé vers le monde classique et je rends ici... Le manque des textes. Déjà le manque de textes, naturellement, mais je rends également ici hommage à des travaux comme ceux de Victor David Hanson qui avait écrit Le modèle occidental de la guerre pour parler du monde grec. C'est vrai, on a un héritage grec dans la façon de concevoir la guerre, mais manifestement aussi un certain nombre de conceptions nous sont un héritage direct du monde celtique. Nombre d'armes portent des traces de combat, mais certaines, par la suite, ont été brisées, tordues, peut-être même sacrifiées. Peut-il s'agir d'un acte tout simplement pour limiter le nombre et la circulation de ces armes, comme on l'a vu, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, avec les sabres japonais? On pourrait imaginer que ce soit effectivement quelque chose comme l'entreprise qu'avait mené le général MacArthur chez les Japonais. Pourquoi pas ? Ce n'est pas le seul scénario qu'on peut envisager. Alors je précise bien qu'à l'Athènes, a priori, on n'est pas face à des traces de destruction intentionnelle, donc pas des mutilations rituelles comme ce qu'on peut voir sur d'autres sites. On a effectivement des sites de la proto-histoire qui nous livrent des armes qui ont fait l'objet manifestement d'un certain acharnement, où on voit qu'elles ont été pliées en accordéon, nouées, etc. Là, on est plutôt sur des traces un peu plus simples. On va avoir, par exemple, une épée qui va être pliée à 90 degrés, une lance qui va être pliée, la présence d'échancrures à peu près aux trois quarts de la lame de l'épée. Pour ma part, j'ai tendance à penser que l'essentiel de ces traces, dans le contexte du site de l'Athènes, s'explique par l'usage au combat. Reste, bien sûr, l'interprétation du site de l'Athènes. Guillaume Reich, l'Athènes n'est pas un village de planches palafitiques. Pourrait-il s'agir d'un arsenal, un lieu à vocation commerciale, voire militaire ? Absolument pas. C'est ce que les archéologues pensaient. C'est ce que les archéologues pensaient jadis, effectivement. Peut-être qu'on nous contredira demain. Je le souhaite presque d'une certaine façon, parce que ça voudra dire qu'on aura encore avancé. On y voyait un péage aussi, je crois. Oui, un péage, une douane, etc. On a des scénarios qui sont assez pittoresques. Là, on a une espèce de consensus depuis la reprise du dossier L'Athènes, depuis une quinzaine, vingtaine d'années. On a tendance à le lire comme un trophée. Alors, il reste peut-être à définir ce que l'on entend derrière le terme trophée. Je précise qu'on n'est pas forcément sur la même lecture que ce qu'on va avoir dans le monde classique avec le tropaïon. On n'est pas forcément sur une conception aussi précise où on pourrait dire qu'il a été édifié à l'endroit où l'ennemi a commencé à prendre la fuite, etc. Ça, c'est encore quelque chose à développer par la suite. Mais on a tendance à imaginer qu'on est face à un monument qui a été érigé à la suite d'un ou de plusieurs événements guerriers, donc autrement dit des batailles, pour commémorer une victoire et remercier une ou des divinités en rapport qui nous auraient apporté un soutien. Je vais m'opposer tout à fait à vous. Vous connaissez bien sûr la théorie de Annie Schwab. Visiblement, ça pourrait être tout simplement un accident. Alors, la théorie d'Annie Schwab, pour recontextualiser, dans les années 60, Annie Schwab a fouillé le site très proche, à 3 km de Corneau-les-Sauges, également un pont de l'âge du fer, un peu plus récent, et a proposé cette hypothèse catastrophique d'une crue subite qui aurait balayé ce pont et emporté énormément de monde avec du mobilier. Bon, dans tous les cas, je ne m'expliquerai pas la présence de centaines d'armes sur un pont avec... Un modèle catastrophiste. Exactement. Une illustration relate la cérémonie religieuse sur le pont de l'Athènes, avec des trophées d'armes, des crânes animaux empalés, bien sûr, sur des pics, des cadavres exposés sur le pont. Est-ce comme cela qu'on peut s'imaginer ? C'est difficile à dire. Il y a tout un travail de recontextualisation qui est essentiel. Je pense qu'il faut faire la part naturellement de la fantaisie de ce que les sources archéologiques peuvent nous donner. Oui, nous avons un certain nombre de crânes de chevaux perforés. Oui, nous avons des restes humains. Oui, nous avons énormément de mobilier, notamment des armes. De là à le reconstituer de cette façon-là, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a de fortes chances que ce matériel ait été exposé à la fois sur les ponts, mais surtout aussi sur les plateformes qui était sur les berges de la Thiel. Pour vous, il s'agit d'un immense trophée militaire. Il pourrait donc commémorer quelques batailles. Les armes seraient donc celles des vaincus. Il y a de fortes chances, oui. Alors, l'archéologie des sanctuaires, elle a été découverte dans les années 80, en Picardie. Depuis, on découvre des sanctuaires. Les archéologues ont compris comment se présentaient ces sanctuaires. Le Mormon en est un, probablement. Donc, lui aussi, en Suisse. Il est toutefois très différent de celui de l'Athènes. Peut-on quand même les associer ? Moi, je ne les associerais pas forcément. On est vraiment sur des sites de nature différente, qui diffèrent en termes de chronologie. Ce ne sont peut-être même pas les mêmes populations qui les ont érigés. L'un se trouve au contact des eaux d'un monde un peu évanescent, avec de l'eau, l'air, etc., un endroit un peu particulier. L'autre se trouve en hauteur sur un petit mont. Pour moi, on n'est pas sur le même registre. Armes, bijoux personnels, tous masculins, mais aussi hommes morts au combat, sont présents. Cela illustre bien sûr un texte d'un historien antique, passé bien sûr en Gaule au IIe siècle avant notre ère, Posidonios. Pour ma part, Posidonios, c'est surtout la mention d'une description de banquet avec les parasites et autres. On se rend compte finalement qu'un certain nombre de textes grecs ou latins qui ont, au cours des dernières décennies, été parfois vus comme des clichés, des topoï finalement sur les Celtes, nous donnent une vision qui n'est pas si erronée que ça. Simplement, on l'a peut-être un peu comprise différemment. Camille Julien disait que les Gaulois étaient un peuple de guerre et de bruit. Je lui préfère Élien, qui écrit au IIe siècle de notre ère. J'entends dire que les plus téméraires des hommes sont les Celtes. Ils prennent comme thème de leur chant les héros morts à la guerre. Non seulement ils combattent couronnés, mais érigent aussi des trophées, tout à la fois pour glorifier leurs exploits et pour laisser à la manière des Grecs un souvenir de leur valeur guerrière. Guillaume Reich, merci beaucoup. Carbone 14 a été réalisé par Alexandra Malka, à la technique Timothée Hubert et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. We'll be right back.